Le vent glisse sur les feuilles, murmure des secrets. Les pas s'enfoncent, marquant la terre humide. Riderskill avance, silhouette dans la pénombre. Sous les arbres, le jour lutte contre l'ombre. Les racines s'entrelacent, piège silencieux. La basse s'éveille au son des murmures nerveux. Les veilleuses chantent, cœur d'espoir et de foi. Sur Twitch, la lumière danse, écho des drops en émoi. Les voix s'élèvent, bénissant la nuit. Chant gospel pour apaiser l'ennemi qui fuit. Riderskill tient ferme, arme en main prête. Dans chaque note, la force discrète. Marche des ombres, feu secret. Nos voix s'unissent, jamais muettes. Riderskill guide la troupe en marche. Sur Twitch, les drops éclairent la tâche. Forêt profonde, refuge et piège. Notre foi brûle, jamais ne s'arrête. Une rafale fond, le silence crie éclat. La basse vacille, mais jamais ne fléchit pas. Les voix s'unissent, hymne de bataille. Riderskill avance. Inébranlable, sans feuille. On reconstruit pierre après pierre. Sur Twitch, la communauté se serre. Les drops tombent, promesses d'espoir. Chaque note une prière, un regard. Le cœur s'emballe, la force éclaire. La marche reprend, l'aube est proche. Riderskill sourit, prêt pour la lutte farouche. Sabots battent, terre tremble sous nos pieds. Chaque cœur brûle un défi. Riderskill veille, âme de guerrier. Sur Twitch, la légende vient de naître. Les feuilles frémissent, la tension danse, mais la foi persiste. Douce romance, Riderskill lève l'épée, défi lancé. Sous la canopée, la guerre est lancée. Une torche flamboie, cri s'élève. La team avance, la force se révèle. Rien n'arrête cette marche sacrée. Sur Twitch, chaque drop est célébré. Chaque visage, chaque nom écrit l'histoire. Riderskill guide les cœurs en fête. Dans Russe, nos voix percent la nuit. Chaque victoire scelle notre vie. Unis par la boule sans la foi, c'est notre monde, notre loi. Le Le jour se lève, brume s'efface. Mais la flamme brûle en chaque place. Riders qu'il part, fier et droit. Car dans la forêt, la lutte est loi. Riders, give.